Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Valérie Gramont. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuses, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour commencer, je remercie la NEF, qui est le partenaire de ce podcast. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore la NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets socio-écologiques et culturels. Et c'est forcément un partenariat qui me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année, comme Valérie. Toi, Valérie, tu es la cofondatrice de Green Lobby. C'est une association qui aide les acteurs à impact à prendre le leadership de leur secteur d'activité pour devenir prescripteur des politiques publiques. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous parlerons ensemble de notre capacité en tant que citoyennes et citoyens à peser sur l'élaboration des lois et plus largement de comment remettre la vie démocratique au cœur de nos vies pour qu'en 2030 glorieuse, faire de la politique ne soit plus un gros mot. Pour commencer cet échange, Valérie, je te pose la question que je pose à tous mes invités en début d'interview. Qu'est-ce que tu réponds aux gens que tu rencontrerais pour la première fois et qui te posent cette question fatidique ? Et toi, tu fais quoi dans la vie ? Alors moi, j'ai cofondé il y a 3 ans Green Lobby. Donc Green Lobby, c'est un cabinet d'influence qui aide les structures à impact à porter leur voix auprès des décideurs politiques, à se faire entendre des décideurs politiques. En fait, les citoyens, les associations, et les entreprises, elles ont le pouvoir de changer la loi. Alors, je sais que le lobbying n'a pas bonne presse, mais si on veut une société plus juste, plus inclusive et plus écologique, eh ben, on doit s'organiser. Les acteurs engagés doivent se mettre au lobbying. Je continue à creuser un peu cette question, Valérie, parce que ta réponse, elle ne me convient pas tout à fait, je m'en excuse. Être cofondateur, être cofondatrice, pour moi, ça veut rien dire. C'est bien sur le profil LinkedIn, mais ça dit pas concrètement ta mission professionnelle et l'objectif que tu cherches à atteindre. Donc, si on devait le redéfinir, si on devait le requalifier, ton poste, ton métier, ce pourquoi tu passes toute cette énergie au quotidien, tu dirais quoi ? Tu es coach en lobbying, tu es porte-parole des volontés citoyennes. Comment tu le redirais, comment tu le requalifierais ? Alors, je vais faire un petit détour pour t'expliquer. Le système économique, il s'est construit à une époque où les ressources naturelles semblaient infinies. Mais aujourd'hui, les inégalités, elles explosent, les limites planétaires, elles sont dépassées. Et il est urgent de donner un nouveau cadre à l'économie qui marche à l'envers. Et pour ça, on a un outil très puissant et indispensable, c'est la loi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et la loi, elle pose de nouvelles règles du jeu pour prendre en compte toutes ces externalités sociales et environnementales que l'économie a oubliées en cours de route. La loi, elle permet de libérer l'innovation et elle donne de la prévisibilité aux acteurs économiques. Un exemple que je prends souvent, c'est le gaspillage alimentaire. Si on n'avait pas lu la loi qui interdit la destruction des invendus alimentaires, concrètement, c'est de javeliser, avant les grandes surfaces, javeliser les invendus alimentaires. Et aujourd'hui, On a des structures comme Too Good To Go ou Phoenix qui se sont développées grâce à une loi. Or, cette fabrique de la loi, elle est confisquée par les lobbies historiques qui freinent les réformes. Et on sait que c'est David contre Goliath. J'invite vraiment à voir ce film Goliath qui montre en quoi les lobbies industriels sont extrêmement puissants. Et contre ce Goliath, ben, on a un atout, nous, David, c'est de s'organiser. Parce qu'en face de ces lobbies industriels qui existent et qui, pour l'instant, font la loi, ce sont eux qui font la loi et qui sont au contact des décideurs politiques. Or, on ne peut pas laisser les décideurs politiques en face à face avec, avec ces lobbies. Le monde de l'impact, il n'est pas organisé. Les associations, elles sont sous-financées. Les citoyens, ils sont dépolitisés, ils n'y croient pas, alors que on est beaucoup plus nombreux, on est beaucoup plus puissants. Mais si on s'organise. Et les entreprises à impact, elles sont souvent isolées, elles sont sur une niche, elles n'ont pas l'habitude culturelle de coopérer ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a créé Green Lobby. On ne peut plus laisser nos décideurs en tête à tête avec les quelques lobbies. Et notre vision, c'est qu'on peut inverser le rapport de force et donner le pouvoir aux acteurs à impact. Donc tu es chargé d'empuissantement citoyen, ça te va comme terme ? Moi, je m'occupe surtout de faire monter en compétence. Je suis un cabinet d'influence qui essaie d'aider, de soutenir les associations, les collectifs et les entreprises engagées à influencer les décideurs politiques. Excuse-moi Valérie, mais je savais qu'il y avait certaines associations, des ONG notamment, qui essayaient de jouer ce rôle de lobby, on va dire, plus vertueux. Je pense notamment à Bloom qui a fait tout un tas d'actions dans ce sens pour pouvoir réguler la pêche en haute mer notamment. Et on a beaucoup entendu parler de Claire Nouvian les dernières années, ou en tout cas un petit peu plus que la moyenne des autres responsables et dirigeants d'associations et d'ONG. Et là, de voir que toi, tu as cette envie d'accélérer encore plus ce mouvement, mais en formant directement les gens, ça me semble être carrément novateur. Du coup, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question de ce qui t'a fait dire qu'il fallait absolument activer ce levier-là. Qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'a fait arriver à ce sentiment de l'urgence de former des citoyens à ces sujets du lobbying ? Moi, je suis économiste et juriste de l'environnement. Et j'ai passé 25 ans au cœur du pouvoir à essayer de lutter contre ces lobbies et à essayer de faire avancer la loi. Faire avancer la loi, c'est extrêmement important parce que ça pose le cadre. Et ça permet, quand on change une loi, c'est des milliers d'acteurs derrière. C'est un système économique qui se structure et qui permet à des consommateurs et à des entreprises d'émerger, d'innover. Et d'investir. Tant qu'on n'a pas changé ces lois, on bricole. Tant qu'on n'a pas le cadre qui incite, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'entreprises qui peuvent effectivement innover dans de la R&D pour produire moins, mieux, autrement. Donc moi, j'ai fait des études d'économie avec une spécialisation environnementale. J'ai ensuite été embauchée à l'Assemblée nationale pour écrire les lois de la transition écologique et sociale. Dans le prolongement, j'ai travaillé en cabinet ministériel, au cabinet de ministres de l'environnement, et puis j'ai passé 4 ans au niveau européen, à Bruxelles, à la DG environnement, à la Commission européenne, dans l'unité juridique, à construire les directives et les règlements dont la majorité du droit français est issue. J'ai ensuite travaillé à la mairie de Paris, dirigé le service de l'écologie urbaine à la mairie de Paris, à un échelon très local, pour passer ensuite 6 ans dans une multinationale à essayer de développer les marchés des isolants thermiques et des emballages compostables. Au sein de cette multinationale, j'ai à la fois essayé de faire avancer l'idée que pour vendre plus d'isolants thermiques, il fallait qu'il y ait une loi claire sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et pour que le marché des emballages compostables existe, il fallait qu'il y ait une interdiction claire des emballages plastiques, de l'interdiction des emballages plastiques, sans quoi le marché n'existe pas. Et toutes les bonnes initiatives ne peuvent pas être développées et on ne peut pas investir. Au sein de cette multinationale, pendant que j'essayais de promouvoir cette idée-là, d'un changement de réglementation nécessaire pour pouvoir innover et pour pouvoir avancer, et pour que cette multinationale passe de problème au côté solution, eh bien, j'ai vu le fonctionnement des lobbyistes d'Infast, notamment sur le sujet des pesticides. Ces marchands de doute sont hyper efficaces. Les lobbies en face, il faut impérativement les contrer. Il faut aussi s'organiser. Il faut s'organiser pour passer des alliances entre les entreprises et les ONG, avec le mouvement climat et avec des citoyens qui ont conscience de leur pouvoir et qui, aujourd'hui, doivent propulser une nouvelle génération d'élus, de décideurs politiques qui va avoir la force de lutter contre ces lobbies très puissants qui ont aujourd'hui les moyens financiers et développent toute une série de techniques de manipulation de l'opinion en se servant de scientifiques, d'influenceurs, de journalistes. Ces techniques de manipulation de l'opinion sont aujourd'hui assez bien documentées, commencent à sortir dans le grand public. Le film Goliath en donne un exemple. Il y a aussi des journalistes qui dénoncent toutes ces techniques. Et sans angélisme, après ce long parcours, où mon dernier poste était en ONG, donc j'ai beaucoup de respect pour le travail des ONG, mais en réalité, elles ont aussi besoin de soutien. Donc, en passant de poste en poste, du Parlement au gouvernement, l'échelon européen, une collectivité locale, une multinationale, une ONG, où à chaque étape de cette carrière professionnelle, je me disais, bon, je vais réussir. Quand on est au Parlement, on se dit que c'est la faute du gouvernement qui n'est pas assez actif. Quand on est au gouvernement, on se dit l'inverse, hein, que les parlementaires sont des clientélistes et qu'on ne peut pas dérouler son programme politique. Quand on est à l'échelon européen, on se dit que beaucoup de choses se passent et que l'ambition du New Green Deal est portée à l'échelon européen. C'est en partie vrai, mais c'est quand même limité à l'échelon local également. Anne Hidalgo est extrêmement critiquée pour sa politique active en matière de transport. On voit qu'il y a des débats dans toutes les régions de France. Au sein des entreprises, pour avoir vécu de près, il y a aussi des débats. Moi, j'étais plongée avec des gens qui, au sein de cette multinationale, avaient vraiment envie de changer la loi. Ils voyaient bien des spécialistes du marketing au sein du COMEX, très très haut placés, qui avaient bien compris qu'il fallait une loi qui incite les rénovations thermiques des bâtiments pour vendre plus Et d'isolants. donc Valérie, toi, tu as vu tout ça, t'as baigné dans tous ces milieux, et à un moment, tu t'es quand même dit, il faut que ce cercle vicieux cesse, il faut que je me positionne pour changer la dynamique. Exactement. Je me suis dit qu'il fallait un lobbyiste dédié aux acteurs du changement aux acteurs à impact qui soient capables de défendre les intérêts de ces entreprises. Donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises, de DG en particulier, qui ont compris l'urgence, qui ont compris que pour une société plus juste, plus inclusive, plus écologique, il fallait une parole publique. Et il fallait que eux disent « l'économie marche sur la tête ». On a besoin, nous, de lois qui cadrent. On a besoin d'incitations. On a besoin que les finances publiques nous soutiennent. Pour l'instant, c'est la prime au vice. Donc, un DG qui veut bien faire, une entreprise qui fabrique en France, un artisan, un commerçant, il est face à une concurrence déloyale. Aujourd'hui, la loi, la fiscalité, avantage ceux qui polluent, ceux qui puisent dans les ressources naturelles et ceux qui maltraitent les humains. On a une économie qui s'est construite à un moment où les ressources naturelles étaient illimitées et où la recherche humaine ne posait pas de problème. Aujourd'hui, on voit bien qu'il faut qu'on fonctionne différemment. Et en fait, on va retrouver la source de l'économie. Moi, je suis économiste, donc de formation. L'économie, c'est une science noble. C'est l'allocation optimale des ressources. Aujourd'hui, les ressources limitées, c'est les sources naturelles. Donc, on a un train de vie écologique qui est 4 fois supérieur à ce qu'on pourrait se permettre. On va remettre l'économie dans le bon sens. Comment, Valérie? Parce que là, si je peux me permettre, on vient quand même de refermer une fenêtre, presque une double fenêtre politique avec les élections présidentielles, les élections législatives, qui montrent bien que si de plus en plus dans les conversations, il y a un vrai intérêt des Français pour le sujet écologique et les enjeux qui font notre siècle, ça a du mal à se traduire à l'échelon national, à l'échelon politique national, et on se retrouve avec une écologie qui est en général en toute fin des priorités de notre gouvernement. On vient d'assister il y a quelque temps à un remaniement qui montre encore que voilà, l'écologie, ça a été le grand oublié avec une personne qui a été promue à cette responsabilité et qui pourtant n'a pas du tout de compétences. Comment on va faire, nous, les citoyens, là, pour pousser afin que cet enjeu il soit entendu et qu'il soit remis tout en haut de la pile des priorités? Qu'est-ce qu'on fait très concrètement? Qu'est-ce que Green Lobby recommande? Et comment on va agir pour y arriver? Donc, on utilise les techniques des lobbies classiques, amendement prêt à l'emploi, maîtrise du jeu politique, power mapping. En fait, la fabrique de la loi, c'est une boîte noire. Et il faut absolument la connaître. Il faut que le citoyen soit impliqué, connaisse les différentes étapes de la fabrique de la loi pour pouvoir soutenir et mettre la pression si nécessaire aux élus qui est censé le représenter. Donc, on utilise les mêmes techniques que les lobbies classiques, bon, amendement prêt à l'emploi, maîtrise du jeu politique, et on a aussi notre recette magique pour changer la loi. On commence par muscler la stratégie d'impact des entreprises ou des collectifs que l'on accompagne. On fait ce qu'on appelle un état de l'art législatif et économique, c'est-à-dire qu'on va faire le benchmark de ce qui se passe au Parlement, à l'international, pour identifier ce qui se fait de plus intelligent, les mesures qui ont le plus d'impact. Une fois que ça s'est fait, on a un plaidoyer qui est structuré. On va faire des alliances le long de la chaîne de valeur avec ses concurrents, des ONG, des associations de consommateurs, des associations de jeunes. Et puis, on va lancer des expérimentations terrain pour donner corps à ce plaidoyer et convaincre par l'exemple. On va former les équipes à l'interne. Et on soutient le dirigeant pour faire du plaidoyer un outil de com et un outil d'engagement des équipes. Et enfin, on s'appuie sur l'opinion publique, des citoyens, on fait des tribunes, des actions de communauté de consommateurs. Ben, je vais prendre un exemple complet qui est le commerce équitable. On a travaillé pour ce collectif commerce équitable, c'est la question du juste prix. Commerce équitable, c'est une association qui regroupe des boîtes comme Max Havelaar, Biocoop. Au début de l'accompagnement, ils n'existaient pas politiquement. Ils étaient vus comme des vendeurs de pulls qui grattent, qui viennent d'Amérique du Sud. Ils n'arrivaient pas à prouver que le commerce équitable, c'est un puissant levier de la transition écologique. Pourquoi? Parce qu'on donne, si on donne un juste prix à un producteur français, à un producteur, à un agriculteur, ben, il va pouvoir faire sa transition et passer au bio. En 6 mois de coaching, ils sont devenus les chouchous du gouvernement. On a réussi l'exploit de les faire aimer à la fois des ministres de l'écologie, de l'agriculture, bon, en fait, ils se détestent, hein, les deux, tout en faisant prendre conscience au ministre de l'économie du potentiel d'emploi du secteur. On a identifié une modification législative qui les a vraiment aidés, qui était l'obligation d'utiliser les produits du commerce équitable dans la restauration collective, publique et privée. Pourquoi c'est important? Là, on agit sur la commande publique. Mais c'est important parce que ça sécurise un producteur local. Un petit producteur de la région de Lyon, là où tu es, Julien, va pouvoir être sûr qu'il vend ses pommes de terre, ses tomates de saison aux cantines locales. Parce que c'est inscrit dans la loi, ça va être une obligation. Voilà, donc ça c'est un exemple d'une politique publique qui structure localement et très concrètement et qui va agir sur les filières locales. Et si on agit là-dedans, il y a tout un tas de producteurs français sur le territoire qui vont pouvoir alimenter les écoles, les restaurants d'entreprise, les maisons de retraite et qui vont être assurés de leurs débouchés. Une fois qu'on a identifié ce besoin du commerce équitable, eh bien, on a fait du plaidoyer, on a soutenu cette association pour mobiliser les parlementaires et leurs membres et les milliers de citoyens. On a modifié la loi pour que les produits du commerce équitable soient obligatoires dans la restauration. Et c'est un des seuls amendements qui est passé en loi climat, avec l'accord du gouvernement. Donc en fait, on voit bien que les décideurs politiques, si on s'y prend de la bonne manière, on utilise pour ça les techniques des lobbies d'en face, hein, qui sont très efficaces et qui pour l'instant font la loi, en passant des alliances et en aidant les ONG, les entreprises engagées et les citoyens à interpeller de la bonne manière, au bon moment, leurs élus, dans un cercle vertueux où on crée de l'emploi et où on passe à l'échelle, où on généralise les bonnes pratiques. Ouais, c'est très clair. Merci Valérie pour cet exemple. On va voyager en 2030 glorieuse dans un monde où les boussoles de réussite de notre société, elles ont été profondément transformées et où on a recréé un lien de confiance entre le milieu politique, le milieu économique, le milieu citoyen qui réussit à s'alimenter de manière vertueuse justement pour reprendre notre place parmi le vivant. Et avant ça, toi, tu viens avec une bulle d'inspiration qui est dans un livre, même dans un passage de livre que tu vas nous lire, parce que moi, je suis persuadé que voilà, cette transformation du monde, elle a lieu et elle commence avec nos imaginaires et que ce qui excite, j'allais dire, mais aussi nourrit nos imaginaires, ben en fait, ce sont les livres qui sont tout autour de nous et qu'on a un peu à force pris pour acquis. Et si on les regarde différemment, notamment avec cette question des 2030 glorieuses, alors on y redécouvre tout un tas de fenêtres enthousiasmantes vers ces mondes de demain. Toi, tu viens avec quelle lecture, Valérie? Moi, je viens avec une lecture de Jean-Pierre Gou. Le livre s'appelle « Siècle bleu ». C'est un polar écologique passionnant qui nous tient en haleine du début à la fin. Mais c'est aussi un manifeste révolutionnaire qui donne de l'espoir. Jour 14. L'homme le plus heureux de l'univers. Voilà, c'est ici que mon voyage s'achève. Mon corps, mon cœur va bientôt lâcher. Mes dernières forces me serviront à vous remercier. Même un dieu n'aurait pas mérité le spectacle que vous m'avez offert hier. En voyant sur mon écran la Terre soudain plongée dans l'obscurité, j'ai eu un choc. Les lumières des villes s'étaient éteintes et un premier arc lumineux ressemblant à un sourire était apparu. Je n'ose imaginer combien de millions vous étiez pour accomplir cet acte poétique planétaire. Il viendra éclairer l'humanité pour des millénaires. Vous pouvez être fiers. Hier, en découvrant ce que vous avez fait, j'ai enfin eu la preuve que mes messages vous étaient parvenus. Cette idée de siècle bleu vous paraîtra peut-être enfantine. Si c'est le cas, tant mieux. Je suis comme Saint-Exupéry. Je crois en la force des contes. Nous avons vraiment besoin d'un changement. L'humanité en est capable. Ce sera la révolution bleue ou autre chose. Tout dépend de ce que vous imaginerez. Ce mois passé sur la Lune aura été le plus intense et le plus riche de mon existence. Je n'aurais pas eu une vie longue, mais j'aurais eu une vie comblée. Je pense à vous tous. Vous êtes la génération du siècle bleu. J'ai encore une chose à vous demander. Promis, ce sera la dernière. J'aimerais que mon corps soit largué dans l'espace. Peut-être qu'un jour, ma route croisera celle de l'astéroïde B612 du Petit Prince, et que nous ferons le reste du chemin ensemble. Il me parlera de ma rose, je lui parlerai de ma grotte bleue. Faites de ce siècle bleu une réalité. Rêvez, vivez, aimez. Votre ami Paul. Merci Valérie pour cette lecture et forcément la lecture d'un passage de Siècle Bleu de Jean-Pierre Gou qu'on avait reçu dans le podcast 2030 Glorieux, c'est forcément une boucle qui se referme et c'est un beau message que tu nous envoies et un beau clin d'œil aussi à tout son parcours à Jean-Pierre qui est hyper inspirant, que ce soit à travers les applications comme Blue Turn ou One Home, mais encore avec ses ouvrages dont je sais en plus qu'il est en train de travailler à des nouvelles enthousiasmantes là, à des nouvelles publications, voilà. On est en 2030 glorieuse Valérie, ça y est, on est dans un monde où on a réussi à remettre d'autres boussoles, comme je le disais tout à l'heure, au cœur de nos vies pour mesurer différemment le succès et qui dépassent largement le simple PIB ou encore la réduction du nombre de chômeurs. Et aujourd'hui, on arrive de plus en plus à reprendre notre place parmi le vivant. Alors, tout n'est pas facile, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a aussi beaucoup d'imprévus. En 2030 glorieuse, c'est presque... comment le dire, en tout cas on se sent vivant tellement chaque jour est différent et on va nous en libérant nos imaginaires donner de l'épaisseur, de la texture à ces 2030 glorieuses et donc on a cette responsabilité que de le faire de la manière la plus détaillée possible pour que les personnes qui nous écoutent elles puissent faire ce voyage en 2030 glorieuses avec nous parce qu'elles elles sont encore en 2022, on est nous en 2030 glorieuses donc Valérie et ma première question c'est quand tu regardes par la fenêtre là de la pièce dans laquelle tu es, qu'est-ce que tu vois? Les citoyens ont compris leur force et ont fait des alliances avec les ONG et des entreprises dont les DG sont convaincus qu'il faut qu'ils sortent de leur neutralité politique. La politique au sens noble du terme est redevenue un sujet, une préoccupation essentielle. Quelques DG ont été précurseurs, la Camif, Danone, Loom, pour produire des vêtements, produire des meubles, réindustrialiser, recréer des commerces, des artisanats, des producteurs, quelques précurseurs sont devenus prescripteurs des politiques publiques, sont devenus les interlocuteurs des décideurs politiques. Les citoyens ont compris qu'ils pouvaient promouvoir une nouvelle génération d'élus qui défendaient la justice, l'écologie et l'inclusion. J'ai l'impression aussi que ça a été une bataille des récits et que justement, à force de prendre la parole, à force de faire ce lobbying positif, à force de montrer la désirabilité du monde de demain, les hommes et les femmes politiques n'ont eu d'autre choix que de nous rejoindre parce que le modèle qu'ils défendaient jusqu'alors était de fait obsolète. Et donc, leur démarche décrédibilisée au regard de tout ce qu'on proposait, nous, d'enthousiasmant et en fait de très en lien avec les urgences actuelles. Moi, quand j'ai commencé à l'Assemblée nationale, j'étais jeune étudiante, il y avait un ou deux, il n'y avait pas encore d'écologistes, il y avait un député qui m'a embauchée sur ces questions-là, vraiment sur une intuition. En 2030, il y a 500 députés qui, aujourd'hui, sont parfaitement convaincus qu'il n'y a pas d'autre voie que de gérer de manière efficace, rationnelle, les ressources et de répartir les richesses. Et que les finances publiques soient majoritairement consacrées, non pas à financer les pollueurs et les activités néfastes pour l'homme et la nature, mais à restaurer nos conditions de survie. Donc à faire en sorte qu'on ait de quoi manger, de quoi respirer, de quoi boire, de quoi prendre soin de nos enfants, de nos aînés, de pouvoir éduquer, de pouvoir soigner et de pouvoir vivre heureux. Donc pour une croissance de tous ces sujets-là, la majorité des députés en 2030 est maintenant parfaitement convaincue, collabore avec les entreprises. Parce que les entreprises sont maintenant majoritairement dans une activité qui régénère l'économie, qui régénère la nature. Et qui participent à maintenir nos conditions de survie grâce à quelques PDG qui ont été soutenus par les lobbies de l'écologie, de l'inclusion, de la justice sociale pour faire des alliances avec les ONG et avec les citoyens. Tu disais tout à l'heure, Valérie, l'importance de la loi pour casser la prime au vice et remettre les personnes qui ont cette envie de quelque chose de plus vertueux sur le devant de la scène. Est-ce que la loi aussi, elle a permis de casser cette prime au vice dans le milieu politique, en encadrant la vie politique, en encadrant les pratiques politiques, en encadrant le fait que bah, quand on décide de prendre des responsabilités politiques, c'est parce qu'on veut se mettre au service des Français et non pas servir des intérêts privés pour exister en plus le plus longtemps possible dans ce milieu avec des personnes qui parfois, tu t'en rappelles peut-être, il y a quelques années en arrière, pouvaient faire toute leur vie en tant qu'élus. La loi, elle a permis d'encadrer ça comment et de remettre l'envie de servir le peuple sur le devant de la scène. Comment elle a été utilisée pour le faire? Ce qu'on appelle le courage politique, le manque de courage politique, c'est du rapport de force. Tant que, et c'est là l'activité et la vision de Green Lobby, tant que les chefs d'entreprise ou des entreprises du territoire importantes, créatrices d'emplois et créatrices d'activités, n'auront pas une parole publique pour dire aux décideurs politiques, en alliance avec des ONG soutenues par l'opinion publique, qu'il faut modifier la loi, qu'il faut poser les conditions du moins mieux autrement, d'une consommation et d'une production qui tiennent dans les limites planétaires avec une justice sociale. On n'y arrivera pas. Je suis désolé Valérie, mais la question que je te posais, elle était tournée surtout sur la question du cumul des mandats, sur la question de la possibilité de faire toute sa vie en tant qu'homme ou femme politique, là où en fait ça devrait être une mission de se mettre au service de la communauté, et donc beaucoup plus encadré par la loi, tant sur les salaires que sur la capacité à être élu ad vitam aeternam. On n'a pas besoin justement d'avoir un lobbying démocratique à ce niveau-là pour encadrer mieux cette envie de se mettre au service ? En fait, il faut aujourd'hui, les décideurs politiques, faut sortir de cette vision très patriarcale du décideur politique qui sait tout, qui est omniscient et qui va résoudre tous les problèmes. Bah du coup, à quoi ça ressemble ? Ça y est, on a réussi, on a plus de lobbies engagés, écolo et tout le tralala. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça change concrètement ? Pourquoi ça vaut le coup de se battre pour ça ? Aujourd'hui, l'influence, elle est du côté des solutions qui vont nous permettre de maintenir l'habitabilité de la Terre. Donc on est tous les entreprises d'un territoire, les artisans, les commerçants, les producteurs, les citoyens, les consommateurs. On agit et on aide à construire ce nouveau mode de fonctionnement de la société avec de la création d'emplois, avec donc les lobbies industriels qui sont climaticides, qui exploitent les hommes et la nature, n'existent plus, sont rares, sont montrés du doigt, alors que tous ceux qui prônent les biens communs et le cercle vertueux d'une nouvelle façon de produire et de consommer sont soutenus par des entreprises et par surtout les électeurs et les citoyens. Ça veut dire qu'on écoute aussi plus ce vivant, hein, et qu'il a une place enfin dans nos organes démocratiques. Là où il y a 10 ans en arrière, on rasait une forêt pour construire un parking de supermarché, on ne se posait même pas la question. Aujourd'hui, ce vivant, il est écouté, respecté, considéré, et l'économique, la simple croissance économique, elle passe... plus forcément en premier. Et ça, c'est notamment grâce au lobbying du vivant qui revient mettre ses intérêts primordiaux sur le devant de la scène et tout en haut des piles de priorités, en fait. Mais on a remis l'économie dans le bon sens. Donc, ce qui compte, on compte ce qui est important pour nous, ce qui a de la valeur. Aujourd'hui, une forêt, un océan... a une valeur inestimable puisqu'elle conditionne notre survie. Donc le système économique, en bon gestionnaire, ne se préoccupe plus de la bulle spéculative ou de l'intérêt financier très court terme parce que c'est inefficace d'un point de vue économique. On est redevenu de bons gestionnaires. Donc on gère les ressources rares. Les ressources rares, c'est le vivant. Et c'est aussi l'humain qui est capable de nous soigner, d'éduquer nos enfants, de nous reconvertir professionnellement, puisqu'une partie de notre activité est consacrée à prendre soin de ce vivant et donc à prendre soin de notre vie. Toi, Valérie, tu fais quoi en 2030 glorieuse ? En 2030, je vais avoir plus de temps pour mes enfants, pour mes proches. Je vais considérer qu'en fait, les choses ont été enclenchées et que maintenant, on est tous des citoyens et que ça a été moins difficile qu'on ne le pensait de promouvoir tout ça, ce cercle vertueux. C'est pour plus de bonheur, c'est moins difficile et moins douloureux. Et je repense à ma grand-mère qui m'a élevée en partie et qui était une femme qui vivait à la campagne. C'était une écologiste, sans le savoir, qui s'ignorait. On a souvent l'image de ces idées de justice et d'écologie qui concernent les urbains bobos. Moi, je m'inscris en contre. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que la justice, le lien social, l'écologie, c'est joyeux. Ce n'est pas de l'austérité. C'est de la croissance du bonheur, de l'emploi. Est-ce que tu as encore besoin d'être lobbyiste en 2030 glorieuse ? Est-ce que tu as suivi d'autres énergies, d'autres pulsions, d'autres envies ? Oui, je pense qu'il y a quand même encore une vigilance nécessaire, mais que le mouvement a grandi, a grossi. J'ai plus besoin peut-être d'être un lobbyiste. J'ai besoin là juste d'accompagner un mouvement qui se fait tout seul. D'autres ont pris le relais. J'ai plus de temps. pour moi. Et cette nouvelle génération qui aujourd'hui conteste est devenue majoritaire et a un peu fermé le clapet à des gens de ma génération qui aujourd'hui ont laissé la place à une nouvelle génération d'élus, à une nouvelle génération de salariés qui ne veut plus participer à des entreprises qui détruisent leur vie, à une nouvelle génération de chefs d'entreprise qui se battent pour le bien commun et qui en sont fiers. Il y a 10 ans en arrière, tu étais vraiment une éclaireuse. Là, aujourd'hui, tu es une organisatrice, une passeuse. Tu as changé d'énergie, j'ai l'impression. Oui, je suis plus sereine parce que cette nouvelle génération est en train de prendre la main. Je vérifie et je continue à transmettre tout le savoir de la fabrique de la loi, ma connaissance du jeu politique et des rapports de force. Mais au sein de Green Lobby, on a transmis tout ce savoir-faire à des dizaines de personnes qui maintenant sont capables d'intervenir au bon moment, de la bonne manière, auprès des décideurs politiques qui ont façonné les lois qui permettent de produire moins mieux autrement. On revient en 2022, Valérie, à une époque qui est difficile parce que même si les Français s'intéressent de plus en plus, et on le sent, on le voit, on l'entend, et là, la période des élections, elle a montré à quel point on avait envie de converser, de débattre, d'échanger, de se former, d'apprendre à ces sujets-là. Et à la fois, on voit aussi à quel point on est désabusé et on a, d'une certaine manière, un peu abandonné à la classe politique ce jeu qui ne sert à personne, en fait. Moi, j'ai besoin que tu nous aides là, Valérie. J'ai besoin que tu nous redonnes de l'espoir. Et quand je te dis nous, j'ai besoin que tu me redonnes aussi des leviers très concrets pour faire en sorte qu'on agisse dès aujourd'hui pour les faire advenir ces 2030 glorieuses dont on a parlé, où on serait tous et toutes des citoyennes et des citoyens engagés, proactifs, sensibles à ces sujets, avec la compréhension très claire de là où on peut appuyer, là où on peut intervenir pour faire changer les choses. Par quoi on commence là? Dis-moi que la porte, la fenêtre des élections, elle n'est pas en fait complètement refermée et que même si elle était complètement refermée, nous, on a plein de choses qu'on peut faire de manière très concrète pour influencer le jeu politique. Ce qui peut vraiment changer la donne, c'est que des entreprises, des DG aient une parole publique. Donc il y a de plus en plus là d'entreprises et de chefs d'entreprise qui se disent que les choses ne vont pas et qui ont envie de s'engager, de s'impliquer, de transformer leur manière de produire leur activité. Pour les autres citoyens, en tant que salariés, un rôle à jouer au sein des entreprises pour modifier de l'intérieur ou de l'extérieur en allant vers des activités qui font plus de sens. En tant que citoyens, parlons politique, intéressons-nous à nos actes de consommation, intéressons-nous à ce que font nos élus locaux, nos députés nationaux et européens. Parlons politique entre amis. Pas la politique politicienne qui nous intéresse pas de moins en moins, mais le vivre ensemble, la manière de faire société et d'arriver à une autonomie alimentaire, à une autonomie énergétique, à une consommation qui fasse sens. À qui donne-t-on notre argent au quotidien? Comment on peut suivre, Valérie? Je me permets de te reposer cette question très concrète. Là, on essaye vraiment d'atterrir sur tout ce que tu nous as dit, mais de manière très concrète. Là, tu dis on doit suivre les députés nationaux, européens. Alors, il y a des députés qui parlent très bien. Je pense à Raphaël Glucksmann qui, sur les réseaux sociaux, se met en scène. C'est pas une critique, hein, mais montre son travail de député, nous interpelle sur des sujets. J'imagine que là, les députés qu'on a élus pour notre assemblée vont communiquer sur les réseaux sociaux, on peut les suivre sur peut-être sans doute Twitter, ça c'est assez certain, peut-être sur Instagram, je sais pas. Donc ça serait de plus les suivre? Est-ce qu'il y a des médias qui nous qui font ce travail de dépasser la politique politicienne? Est-ce que tu peux nous donner deux, trois étapes très, très claires, très concrètes pour justement remettre cet intérêt de manière régulière dans notre quotidien? Bah, nous, chez Green Lobby, on essaie de vulgariser le fonctionnement de nos institutions pour pouvoir interpeller de la bonne manière, au bon moment, nos élus, pour pas les mettre tous dans le même panier, parce qu'il y en a qui essaient. Il y en a qui sont moins dans l'action, voire qui refusent de faire évoluer les lois à un échelon local, s'intéresser à la vie locale, rejoindre des associations, militer. Chacun trouve son moyen, son mode opératoire. Ce qui est sûr, c'est que s'intéresser à la politique à l'échelon local, à l'échelon national, c'est essentiel. Aller voir sur nos députés. Ce que tu dis, c'est qu'en fait, j'entends beaucoup dans ton témoignage, c'est que tout est politique. Et donc, il faut revoir de la politique partout, dans nos actes de consommation, tu nous l'as dit, mais aussi dans nos engagements militants. Moi, j'avais envie de donner d'offrir, de visibiliser des guichets où on pouvait justement se nourrir à ce niveau-là. Je pense notamment au journal Le Dranche, qui est un journal d'opinion qui chaque semaine met un sujet sur la table avec des points de vue complètement différents pour que les lectrices et les lecteurs se fassent leur propre opinion. Est-ce que toi, tu connais d'autres médias, peut-être d'autres personnalités qui font ce travail d'éducation à la politique dans le bon sens du terme? Moi, j'écoute beaucoup les médias indépendants. J'écoute Mediapart, j'écoute Blast, à titre personnel. Je suis les quelques députés. On donne des conseils chez Green Lobby ou dans nos pour repérer, savoir qui est son député, qui est son élu local, dialoguer, pousser la porte des permanences. On a beaucoup travaillé avec Make Sense pour leur fournir un contenu qui s'appelle Graines de lobbyiste et qui permet de comprendre le fonctionnement de nos institutions et de comment interpeller au bon moment, de la bonne manière. Mais il y a plein d'ONG qui le proposent, l'association Bloom, des influenceurs comme Camille Etienne, Greenpeace, bien sûr, permet de suivre l'actualité politique. On peut aussi rejoindre une association très locale sur un projet à côté de chez soi. Chacun peut trouver ce qui lui correspond et puis surtout le domaine sans se culpabiliser parce que il y a des choses qui sont difficiles dans cette mutation, dans la difficulté de se projeter sur un monde qui est différent. Mais on a tous les domaines dans lesquels on va se sentir à l'aise de pouvoir faire un changement et être soutenu par une communauté très, très locale, discuter de ça avec ses voisins, avec sa famille, avec ses proches, avec ses enfants. Merci Valérie. Merci Julien. Ça y est, cet épisode avec Valérie Gramont vient de se terminer. C'était un épisode très nécessaire et à la fois assez complexe. Je vous l'avoue, l'interview a duré un peu plus longtemps que prévu, même si là, finalement, on retombe sur nos pattes avec un épisode assez classique dans la durée. Mais voilà, c'est pas évident parce que en fait, on parle d'un milieu qui est très verrouillé, avec des codes qui sont aussi très affirmés et assez rigides, finalement. Et donc Valérie, elle fait ce travail de dépasser tout ça, de dépasser les clichés, de remettre le citoyen au cœur, de lui donner les éléments de compréhension, mais ça mérite de la nuance. Voilà, ça mérite de prendre le temps, ça mérite d'y aller pas à pas et de pas faire des réponses simplistes, clivantes, qui exciteraient encore plus la colère ou la constitution de tribus, de clans qui s'opposent où tout est noir ou tout est blanc et et il y a les gentils et les méchants. Et donc, j'espère que cette conversation, elle vous aura montré à quel point finalement, et c'est ce que j'entends le plus en fait hein, dans cet échange avec Valérie, à quel point tout est politique, de notre consommation au rôle qu'on a dans notre entreprise, à nos prises de parole, quelles que soient nos casquettes et nos engagements, même associatifs. En fait, tout est politique. Et donc, ce rapport de force dont Valérie a parlé à plusieurs reprises, il passe par ses engagements, que ce soit encore une fois dans son école, dans son entreprise, dans son voisinage, dans son quartier, dans son association, tout est politique et ce changement d'état d'esprit, il doit intervenir grâce à cette massification de nos pulsions de vie, de nos envies de se remettre au service du vivant, quel que soit le moment de la journée, j'allais dire, quelle que soit la casquette que l'on a sur la tête et qui en fait, à force, montrera à quel point il est impensable de continuer à faire comme si de rien n'était et d'utiliser les vieilles recettes qui n'ont plus lieu d'être dans notre situation et dans ce monde où, en 2030 glorieuse, mais en fait dès aujourd'hui, on va de plus en plus reprendre notre place parmi le vivant pour l'honorer comme il le mérite, ce vivant. Voilà, ça c'est dit. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de continuer à accorder autant d'attention au podcast 2030 glorieuse. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !